Again, monsieur. Monsieur, mais monsieur, vous allez mourir. Non, non, qui m'a acheté? Mettez-nous ensemble. La gueule, monsieur. Mais ça va, monsieur. Gueule, vous mouillez. Oh non. Qui m'a acheté la gueule? Chagrin, c'est la peine. Dépêchez-nous.